cours numéro 20. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Famada akhadna fi darsina al-akhir? Indama, tfattal. كل ما أضيف إلى النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قول وعمل وتقرير ووصف. نعم. فأخذنا باب لإخبار أي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وماذا قال الشيخ ابن عثيمين في حكم أفعاله عليه الصلاة والسلام؟ تفضل. حكم أفعاله مندوبة إلى أن يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقول، هكذا على الإطلاق تيوبليج تقيد بشيء. يعني volontairement j'ai posé la question هكذا بدون تقييد أي sans précision. فتذكر القيد؟ إن كان تعبدا. نعم، إذا كان هذا الفعل من باب التعبد، إذا كان هذا الفعل أي si cette action c'était une adoration et un Nabi صلى الله عليه وسلم il a fait cette action donc cette عبادة فالأصل c'est que c'est مستحب أي il a pas ordonné de la faire فقط il l'a fait عليه الصلاة والسلام. La règle, c'est que c'est recommandé, c'est pas obligatoire. Sauf si on a un autre dalil qui montre que c'est obligatoire. أما الأفعال التي بمقتضى الجبلة أو العادة فتوسا تقدم معنا أن الأصل c'est que c'est مباح. Et بعض الأفعال تقدم معنا c'est على وجه الخصوصية أي c'est que pour النبي صلى الله عليه وسلم. Enfin, ces actions, on n'a pas le droit de les faire. Et هذا الباب, il est سهل, il est مختصر. Mais la deuxième partie, c'était lié au مصطلح الحديث. Il a cité en bref, rahmatullah alayh, des points importants concernant الأخبار, أي باعتبار ما يضاف إليه. أي si c'est أو إذا أضيف هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم on va l'appeler comment أو ils l'ont appelé comment أهل الحديث وأهل الأصول أهل مرفوع وإذا أضيف إلى النبي إلى الصحابي عندك الموقوف وإذا أضيف إلى التابع المقطوع قال رحمه الله الإجماع هذا الباب مهم من أهم الأبواب لماذا؟ لأن الإجماع سي أن دليل من الأدلة سي لا تخوازم كاتيغوري لا بروميير سورس سي القرآن الكريم لا بارول الله سبحانه وتعالى لا دوزيام سورس سي السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أي لي بارول دو بروفيت صلى الله عليه وسلم ses faits et gestes et ce qu'il a accepté alayhi salatu wassalam et c'est le chapitre précédent. La troisième catégorie de preuves dans notre din on peut utiliser ces trois catégories pour argumenter, pour dire telle chose c'est halal, telle chose c'est haram, telle chose c'est permis, telle chose ce n'est pas permis, telle chose on l'accepte dans notre religion, telle chose on ne l'accepte pas. La troisième catégorie, c'est l'ijma', ay, l'unanimité. Ils traduisent par l'unanimité, par le consensus. Et هذا الباب, donc, il est très très important. Lakin, le wajib, c'est adam at-tawassu', ay, ne pas accepter tout ce que les gens y prétendent, annahu c'est ijma', annahu il y a unanimité. Et kadhalik ne pas rejeter si al-ijma' il est sahih, c'est une hujja. C'est un dalil, c'est une preuve. Et بعض الناس, ils ont accepté des ijma'at. Et c'est pas des choses unanimes. Et بعض هم ربما ils donnent pas assez d'importance à هذا الباب. أهل الحق sont وسط. Si l'ijma' il est sahih, falhamdulillah. Si l'ijma' il est pas sahih, الخطأ والباطل اللي باكسبت. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تعريفه أي تعريف الإجماع. الإجماع لغة العزم والاتفاق. الإجماع فكل سلم جماعة أي الجروب. فهذا الأصل سامونتر الاتفاق أي le fait de se rassembler, d'être d'accord. واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. قال رحمه الله فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد. دون قوله اتفاق c'est que tout ces savants ils soient d'accord. اتفاق مجتهدي هذه الأمة. Si واحد يخالف فهي بإجماع. فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد. مثلا tous les savants disent un قول. الإمام الشافعي رحمه الله يخالف إلى نوت قول. On dira il y a pas إجماع. أو tous les savants ils ont un قول. Et on a trouvé un خلاف أن الإمام أحمد أو قبله أو بعده. On dira, il n'y a pas ijma'. Hada, c'est pour vous expliquer faqat l'ittifaq. Il y a des autres quyoud. Après la mort du prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam. Et s'il y a ijma', mathalan, à l'époque de sahaba, radiyallahu anhum, et un ikhalif après eux, son qawl, il est mardoud, et il y a ijma'. Donc ces précisions, elles viendront petit à petit. L'exemple que je vais donner, c'est faqat pour vous montrer ma'na ittifaq mujtahidi hadhihi al-umma. Si un ijma'a il est thabit, ceux qui viennent après, ils n'ont pas le droit de le khalif. Et celui qui khalif, son qawl il est mardoud. Il a khalif al-ijma'a, il a khalif al-dalil. Qala ittifaqu mujtahidi hadhihi al-ummah ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala hukmin shar'i. Donc, qawluhu rahimahullah ittifaq, qala kharaja bi qawlina ittifaq wujud khilaf walaw min wahid, fala yan'aqid ma'ahu al-ijma'a. Donc, c'est ça al-sahih. الإمام ابن جرير رحمة الله عليه المفسر الكبير إلى نطق قول يقول كما بين شيخ العثيمين في الشرح رحمة الله عليه أنه يقول سي واحد يخالف أو دو فصفو كما لا الإجماع أي pour lui ça reste l'unanimité وهذا القول il est pas صحيح قول la plupart des savants c'est أن الإجماع سي واحد يخالف bien sûr من الأئمة فصن قول il est pas accepté. أقصد يا با إجماع. أما إسكيل الحق أم لا يفوغوني أو بخوف. وخرج بقولنا مجتهدي. المجتهد سي أن إمام كي أتان سيغتان نيفو. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى دون سو ليفر باب الإجتهاد. إسكوا مجتهد إسكوا لي كونديسيون. على كل حال صافي سوغتيغ قال وخرج بقولنا مجتهدي. أي هذه الأمة العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. Tous les savants ils sont unanimes. Il y a telle chose, c'est une sunna. Un ami من العوام, un مقلد, il خالف. Il dit là, pour moi, c'est pas une sunna. لا يعتبر بقوله. Son قول, on l'accepte pas. Qui وافق ou qui خالف. Et quand on dit on l'accepte pas, il est pas pris en compte. لماذا لأن هذه المسائل سأقولها أهل العلم. فإذا العلماء اختلفوا، même si tous les عوام ils sont d'accord sur une مسألة، on dira il y a خلاف، et on cherchera le حق. Et si العلماء ils sont unanimes sur une chose et un عام من العوام يخالف، فلا شك que son قول il est pas pris en compte. لماذا لأن الإجماع c'est fondé sur العلم. العامي المقلد il ne faut pas partir de Ahlul Ilm, mais l'ittifaq. Ce n'est pas des savants et ce n'est pas des étudiants. Enfin, ils ne sont pas حول هذه المسائل. فربما يخالف très simplement. Même s'il y a ijma'. Ou ربما ils pensent qu'il y a khilaf alors qu'il y a ijma'. Voilà, chacun a. On a ce genre de masail, ça revient aux imams de Hadad Din. وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر. Si les savants de cette communauté sont unanimes sur une chose, les Yahouds ou les Nasara, les chrétiens ou les juifs, ils ont un autre qaw. Pour eux, c'est telle chose, elle est permise ou elle est interdite. فلا شك أن leur avis n'est pas pris en compte. وهكذا بعض الزنادقة كالروافض. Les ulama ne prennent pas en compte leurs paroles. مثلاً العلماء يسون unanimes أن telle chose elle est interdite مثلاً المتعة tu trouveras des أقوال من الروافض أن pour eux ça fait partie de, des fondements de ce din بل c'est une grosse partie de ce din elle est fondée sur le متعة pour eux voilà chacun قولهم il n'est pas pris en compte قال وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا لأن الدليل حصل بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير هذا في الحقيقة واضح قوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأن à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام on parlait pas d'ijma إما c'était une sunna قولية النبي صلى الله عليه وسلم il a dit telle chose إما فعلية إما نكت إما إلى أكسبتي et c'est ce troisième point في الحقيقة qui ressemble à l'إجماع لكن on ne dit pas إجماع لا شك أن من حيث أنهم sont tous d'accord c'est un إجماع لكن on n'a pas besoin de dire إجماع هنا لا c'est un دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلهذا قال الشيخ العثيمين ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقلا للإجماع مثلا الصحابي من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يقول أن على époque du prophète صلى الله عليه وسلم on faisait telle chose كنا نعزل تقدم معنا أنهم يبخاتك العزل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم donc personne n'a rejeté هذا ils étaient tous d'accord في هذا الحال on dit pas c'est un إجماع Les mains d'Al-Yannaous à l'époque du prophète Aïssa al-Salam. Mais vu que la révélation elle descendait à ce moment, à cette époque, et vu qu'il n'y a aucun dalil qui montre que ce n'est pas permis, donc c'est que Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté. La révélation, elle a accepté. Fali hada, dans ce genre d'exemple, on n'a pas de dalil qui montre que ce n'est pas permis. Donc, fil haqiqa, c'est min sunnat al-Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam aqarra dhalik. Même s'il ne savait pas, alayhi salatu wassalam, si ça serait interdit, Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait informé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et il aurait révélé un verset. Ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aurait cité un hukm. En s'appuyant sur la révélation d'Allah azza wa jal. Ala kulli hal, hada, c'est pas min al-ijma'. Et adhan, anna as-surah hadi, elle est wadiha. Ala kulli hal, tu peux parler de ijma' après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Amma à l'époque du prophète alayhi salatu wasalam avant sa mort imma des versets du Coran ils ont été révélés imma la sunna du prophète alayhi salatu wasalam une de ces deux sources elle est ijma' c'est venu après sa mort s'ils se sont tous rassemblés sur un hukm c'est que c'est al-haq c'est que c'est la vérité et c'est une preuve donc tu as deux choses tu as le Coran et sunna durant la vie du prophète alayhi salatu wasalam et après sa mort al-ijma' C'est pour ça que dans At-Ta'rif, Cheikh Al-Uthaymeen, il a bien cité « Ittifaqu mujtahidi hadhihi al-umma ». Donc c'est que les imams de cette communauté, ils sont unanimes sur une chose après la mort du prophète alayhi salatu wasalam. Amma pendant la vie du prophète alayhi salatu wasalam, fa'imma tu auras un dalil min al-Qur'an, imma un dalil min al-Sunnah. Fahada. Qala wa kharaja biqawlina ala hukmin shar'i, ittifaquhum ala hukmin aqli ou aadi. فلا مدخل له هنا إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع نعم لأن الإجماع هنا المقصود به الإجماع الشرعي سيقول لك الشيخ العثيمين قال رحمه الله على حكم شرعي أما si ils étaient tous d'accord que مثلا on peut donner un exemple أن telle monture elle avait telle valeur ou telle nourriture elle était bonne si on قدر هذا c'est pas إجماع qu'on va citer par rapport au délil. Là, ça c'est une autre masala. Ça nous montre la précision des définitions des savants. Haqiqa, il y a des choses, c'est clair. Al-ijma', c'est la hukm shar'i. Lakin al-ulama, vu que c'est une définition, et les définitions, ça doit renfermer le maximum de points. Et avec ces points, tu verras sortir d'autres choses. C'est ça le but d'une définition, qu'elle soit complète. Al-Iyad, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il a cité هذا التعريف. Wa illa qawluhu hadhihi al-umma, c'est واضح. C'est واضح que c'est l'unanimité de cette communauté. Lakin il l'a cité, rahmatullah alayhi. Hatta le ta'rif, il soit jami'. Et c'est ça le but des définitions, c'est que ce soit des définitions globales. Qala rahimahullah, après avoir cité la définition, il a cité anna al-ijma' c'est une hujja. Et ça c'est très très important. On peut préciser كذلك هنا anna ahyanan tu as un ijma' min ahli al-lugha ou ijma' ahl مثلاً telle matière. C'est pas un dalil هذا. Ça peut être un ijma' inda ahli al-lugha. Et dans notre din, il y a des adillah qui montrent que ce n'est pas permis, ou qu'il y a une mukhalafa. Donc c'est bien, c'est important on a de comprendre que هذا الإجماع c'est إجماع هذه الأمة ou مجتهد هذه الأمة. كذلك tu auras une autre catégorie de إجماع, إجماع de telle contrée. مثلاً est-ce que إجماع أهل المدينة c'est une hujja أم لا? Et il y a des مسألة, il y a un khilaf. L'imam Malik رحمة الله عليه. C'est pour ça que Al-Malikiya, ils ont cet avis. Elle n'a pour eux, Ijma' Ahl al-Madina, c'est une hujja, c'est une preuve. Et Al-Sahih, c'est qu'après la mort du prophète, alayhi salatu salam, c'est pas une preuve. Ils peuvent être d'accord sur une chose et dans une autre contrée, ils ont un délil que telle chose, matalan, c'est pas permis. Donc, fi hadha al-hal, il n'y a pas Ijma', il y a un khilaf. Et dans ce cas, on revient à la preuve. Donc, Ijma' Ahl al-Madina, c'est pas une preuve. Et même bab aula, ijma' de tel pays. Ahyanan, tu as l'ijma' d'un madhab. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, il cite beaucoup dans ses livres. Ijma' ashabina. Ou ahyanan, il ne fait pas le qayd, il dit l'ijma'. Et les savants, ils montrent que al-maqsoud, c'est ijma' du madhab. L'unanimité des savants du madhab de l'imam al-Shafi'i. Ou de l'imam Malik, ou de l'imam Ahmed, ou de l'imam Abu Hanif. Fiyad al-hal, c'est pas ijma'. Et qu'on prendra en tant que preuve. Là, c'est une information, je le prends comme une information. Anna tel madhab, ils sont tous d'accord, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Peut-être qu'un autre madhab, ils ont khalif et ils ont un délit. Donc, ala kulli hal, at-ta'rif, il est tayyib et il est sahih. Ittifaq mujtahidi hadhihi al-umma. Donc, ça englobe tous les imams de cette communauté. بعد النبي صلى الله عليه وسلم اي bien sûr après la mort du prophète عليه الصلاه والسلام اما avant la mort du prophète عليه الصلاه والسلام la révélation elle descendait on n'avait pas besoin de هذا على حكم شرعي bien sûr par rapport à un حكم شرعي اي qui est lié à notre din اما autre فربما les gens ils sont tous d'accord dans une chose et c'est pas lié à notre à ce sujet. ثم قال والإجماع حجة لأدلة منها. Et ce point il est important. أن هذا الإجماع, bien sûr s'il est صحيح etc. Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité les conditions à la fin du chapitre. الإجماع c'est une حجة. قال لأدلة منها, il a cité plusieurs preuves pour montrer que الإجماع c'est une حجة. قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم والشهيد قوله مقبول أي سي cette umma الله سبحانه وتعالى il a informé Anna, cette umma sera témoin par rapport aux autres. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا الشُّهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Cette umma témoignera par rapport aux autres communautés. لماذا لأن قول هذه الأمة il est مقبول. Donc si هذه الشهادة elle est acceptée في غيرهم فلا شك s'ils sont tous d'accord sur une mas'ala, fa al-qawl il est accepté. Hada wajhu al-istidlal. Ala kulli hal, c'est pour montrer que si l'umma, la communauté, ils ont tous un qawl, fa la shak annahu c'est le haqq. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا الشهداء على الناس. أي هذه الشهادة sera بحق. Donc si toute la communauté sont d'accord sur un hukm, لا شك أنه ça sera la vérité. قال قوله تعالى le deuxième دليل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال رحمه الله دل على أن ما اتفقوا عليه حق. أي ساسبي المفهوم. تقدم معنا أظن أن الدليل il a un sens من حيث المنطوق. Quand tu lis le verset فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Si on te demande qu'est-ce que tu as compris du verset en lui-même, enfin, tu as compris que si il y a une divergence, fa in tanaza'tum fi shay, et si on diverge, farudduhu ila Allah wa ar-rasul. Quand on a une divergence, on doit revenir au Coran et à la Sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Ça c'est le mantouq. Thumma al-mafhoum, c'est ce que tu comprends. C'est ce que tu comprends ay min al-ma'ani. Ay mot à mot, tu as compris que si il y a un khilaf, tu dois revenir au Coran et à la Sunna. Et هذا, ça implique une chose que tu vas comprendre. Une deuxième chose, anna s'il n'y a pas de khilaf, s'il n'y a pas de khilaf, comme a dit le Cheikh Al-Utaymin, dalla ala annahu mattafaqu alayhi haqq. S'il n'y a pas de khilaf, c'est la vérité. Et si on est unanime sur une chose, fa alhamdulillah. On répète, l'unanimité, on a c'est mouchtahidi hadhihi l'umma. Amma, tu peux trouver. Deux ignorants, trois ignorants, cent ignorants, mille ignorants, ils sont d'accord sur une chose et tu as des preuves claires que c'est haram. Belle, tu trouveras l'unanimité des savants que c'est haram. Pourquoi ces ignorants, ils ont khalif à cause de leur ignorance? Alors on ne va pas répéter da'iman, anna al-ijma' al-murad, c'est ijma' al-a'im. Et fil haqiqa, il y a un verset plus clair. Et là, vous avez remarqué que le premier verset, il faut comprendre certaines choses pour arriver à déduire le murad de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Le deuxième verset, c'est bien le mafhoum que tu comprends. Lakin, on a un verset qui est wadih. Man yadhkuru? Aina al-dalil annahu c'est l'ijma'. قوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين c'est ça l'ijma, c'est سبيل المؤمنين, celui qui suit autre que سبيل المؤمنين, أي ce sur quoi الصحابة رضي الله عنهم ils étaient unanimes, هذا لا شك أنه il se trompera, لا شك أن هذا قول ça sera une erreur. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى إلى آخر. Donc, من سورة النساء. فنعم هذا الدليل il est أوضح, il est plus clair. Troisième preuve, قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على الضلالة. هذا الحديث بعض العلماء اللي ضعف, الشيخ الألباني اللي حسن عليهم رحمة الله جميعا. نعم المعنى اللي صحيح لا تجتمع أمتي على ضلالة, أي cette communauté ne peut pas se rassembler sur un égarement. لماذا؟ لأن c'est une أمة مرحومة, كذلك c'est une أمة qui sera témoin sur toutes les autres. Et كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو الله سبحانه وتعالى nous a démontré si un خلاف on doit revenir au Coran et à la Sunna. Ça veut dire que si l'umma est unanime sur une chose, c'est que c'est le haqq. Enfin, le sens, il est sahih. La chakana, les chaînes de transmission, fiha ma fiha. Lakin, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il l'a hassan avec tous les ahadiths du bab. Ay, ma ja'a fi hadha al-bab. Quatrièmement, qala an naqul, ijma'u الأمة على الشيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا. هذا c'est un argument que Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité rahmatullah alayh pour te montrer أن لا شك أن si la أمة ils sont unanimes sur une chose c'est la vérité. فتأمل suit. قال إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا فإن كان حقا فهو حجة. Si toute la communauté ils sont d'accord sur une chose, c'est que c'est le haq. Les savants et talabat al-ilm, on qadr même les awam, on est tous d'accord sur une chose avec les savants, là je sais que c'est le haq. Et si tous les savants ils sont d'accord, c'est le haq, même si un ignorant il khalif. لماذا لأن تقدم معنا أن الإنيورانس son قول il n'est pas pris en considération dans ce domaine. قال فإن كان حقا فهو حجة وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله. Et en haqiqa, hada al-kalam, ça explique tous les adillas qu'il a cités, rahmatullah alayhi. La umma, toute la communauté sont unanimes depuis l'époque de sahaba radiyallahu anhum jusqu'à aujourd'hui sur une chose. Enfin, comment dire que c'est batil? Hada, c'est très très grave. Léan Allah subhanahu wa ta'ala rahima hadhihi al-umma avec ce nabi, avec hada al-wahi alayhi salatu salam. فلهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله. قال هذا من أكبر المحال. Ça c'est من أكبر المحال. نعم. المحال c'est quelque chose d'impossible. Et كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق. Ça montre que أن الأمة ne peut pas se rassembler sur le باطل أبدا. C'est pas possible. اولا هنا الدليل لا تزال طائفه من امتي على الحق même si arrivé un moment une période où dans certains endroits il y a du char il y a des innovations il y a des mukhalafat des choses qui contredisent le Coran ou la Sunna tu trouveras toujours un groupe qui est sur le haq. Ça montre ان الامه ne peut pas se rassembler sur le batil. Est-ce qu'elle peut se rassembler sur le haq? نعم. Si elle se rassemble sur le haq, c'est une preuve. Si elles se rassemblent sur le batil, c'est pas possible. Donc il reste deux cas. Imma la umma, ils se rassemblent tous sur la vérité. Alhamdulillah, c'est une preuve. Et ça sera la vérité. Imma cette umma la divergé. Tel savant dira une chose, un autre savant dira une chose. Tu as ces deux cas. Imma que la umma, toute la umma, ils se rassemblent sur le faux. Hada, c'est pas possible. لأن الله عز وجل رحم هذه الأمة. لابد il restera un groupe qui est sur Al-Haq. Et ça, c'est une bouchra azima. Ça nous montre qu'on doit rechercher Al-Haq. On doit rechercher Al-Haq. Al-Haq, il est toujours présent. La vérité, elle est toujours présente. Il y a toujours une preuve. Lakin at-taqsir, les manquements, ça vient de nous, ahyana. Wa illa, n'importe quel sujet, n'importe quelle mas'ala, tu trouveras, si tu recherches, wahid qui a dit Al-Haq. Même si, on qadar que c'est qu'une seule personne, un seul imam. Il ne peut pas avoir un moment ou un endroit où il n'y a que du batil. Là. Il peut avoir un endroit où il n'y a que du shar'i, yadam billah. Lakin, on parle tous les endroits dans le même moment. Où il n'y a que du batil dans ce moment. Peut-être. Tu trouveras toujours le haq. Walillahi alhamd. Et ça, c'est une ni'ma min ni'amillahi azza wa jal. Thumma qala rahimahullah anwa'u al-ijma'. Il y a plusieurs catégories de ijma. Après avoir montré la définition, thumma, les preuves, comme quoi hada al-ijma, cette unanimité, c'est une preuve, et on doit l'accepter. Il a cité, rahimahullah, anwa'u al-ijma. Qala al-ijma'u naw'an, qat'iyun wa dhanni. Qala fal-qat'i, أي لبخميك ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة أي في الحقيقة هذا il n'y a pas besoin de بحث il n'y a pas besoin de recherche هذا الإجماع il est معلوم عند الجميع il n'y a pas besoin de recherche il n'y a pas besoin de faire d'effort هذا c'est الإجماع القطعي أي il n'y a aucun doute il est clair il est واضح قال كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا. Ça c'est des choses claires. Tu demandes à n'importe quel musulman الآن est-ce que la salat elle est obligatoire les 5 salawat il te dira non. Tu demandes à n'importe quel musulman est-ce que zina c'est haram il te dira non. قال وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة. دونك هذا سيكلير، هذا النوع لا شك إليه ثابت، كذلك سين حجة سين بخذ. قال ويكفر مخالفه، celui qui خالف هذا الإجماع فيخرج من الإسلام. لماذا؟ لأنه يكونتخدي الحق. Et vous avez remarqué que ce genre d'ijma, bien sûr, c'est fondé sur des preuves. Beaucoup de preuves qui démontrent que les cinq salawats, c'est obligatoire. Beaucoup de preuves qui démontrent que zina, l'adultère, la fornication, c'est haram. C'est interdit. Hada, c'est wardah. Enfin, celui qui rejette hada, fil haqiqa, il rejette une partie du din. Et hada, c'est min nawaqid al-islam. Ça fait partie des annulatifs de l'islam. وَيَكْفُرْ مُخَالِفُهُ إِذَا كَانَ مِمَّنْ لَا يَجْهَلُهُ. Et hada, c'est un qaïd muhim. تقدم معنا، on vient de dire que هذا c'est معروف عند الجميع، هذا c'est connu chez tout le monde. لكن si on قدر، et ça arrive، si on قدر que واحد il ignorait هذا، on peut citer un مثال pour éclaircir. واحد il s'est converti dans un pays، il connaît rien de l'islam، il s'est converti et il vivait avec un قوم qui pratiquait الزنا، et pour eux c'était quelque chose de normal. Certaines sourds, certains cas. ثم, si واحد lui demande, il dit là, هذا c'est pas haram. Dans هذا الحال, هذا الإنسان, il ne sort pas de l'islam. لماذا لأنه il ignore. Il ne sait pas que l'islam, dans notre din, telle chose c'est interdit. Ou, حتى l'exemple de As-Salah, il vient de se convertir et il ne connaît rien de l'islam, et ils lui ont montré que l'islam, il fallait prononcer la shahada et tu es un musulman. Ils lui ont pas parlé de salat, que c'est une obligation, il a akhri. Et au départ, on qadar, il vient de se convertir, ça fait une heure, ça fait un jour, ça fait une semaine. Et wahed, il lui parle de as-salawat, et il dit, c'est pas obligatoire, on m'a pas informé. Le fait de dire c'est pas obligatoire, c'est fondé sur l'ignorance. La preuve, c'est que si un musulman lui montre, inshallah ta'ala, il acceptera. S'il n'accepte pas, après al-bayan, wahed, il lui montre, un autre dîn, il y a 5 salawats, c'est obligatoire. Il lui montre l'adilla et il refuse. Il fait adelhal. Chaque que ce n'est pas un musulman. Donc, l'ulama, il cite ce genre de quyoud et ces précisions qui sont très très importantes. Ahyanan, elles ne sont pas citées. Les madali, elles n'ont le hukm, c'est à l'al-ghalib. Ahyanan, l'ulama, il ne cite pas hada al-qayd. Il dit celui qui rejette ces choses qui sont claires, c'est un kafir. Hada, la chaque que c'est sahih. Lakin, si on qadr. Sans rentrer dans les détails, est-ce que ça arrive, est-ce que ça arrive pas, Allahu a'lam. Et quoi, ils perdent leur temps via. Est-ce que ça peut arriver? Si ça arrive, falhamdulillah, il est excusé. On qadr que wahed, il ne sait pas que l'alcool c'est haram. À notre époque, Obama, tu ne trouves pas dans les pays musulmans, tu ne trouves pas, Wallahu ta'ala a'lam. Et dans certaines contrées lointaines, Allahu a'lam. Et avec les médias, avec internet, ça s'est propagé. Et la plupart des gens, ils savent que l'islam, et en islam, l'alcool c'est interdit. Si on qadr wahed, il ne sait pas. Personne ne lui a montré. Hada, la yakfur. Et s'il se prétend musulman, la yakfur tant que al-hujja lui est pas parvenu. Qala rahimahullah, al-thani al-dhanni. Donc, al-qat'i, ma yu'lam wuku'uhu min al-umma bil-dharura. Donc, hada, on a dit, il n'y a pas besoin de bahth, il n'y a pas besoin de nazar, c'est wadih. Les cinq salawats, c'est obligatoire. Az-zina, c'est interdit. L'alcool, c'est interdit. Il a akhri. C'est pour ça que tu ne trouves pas de khilaf fi hada. Sur l'obligation de la salat, tu ne trouves pas de khilaf. Tu trouves un khilaf sur le hukm de celui qui la délaisse en reconnaissant l'obligation. Fali hada al-ulama ajma'u anna celui qui rejette l'obligation de la salat, c'est un kafir. Amma akhtalafu fi mada fi man taraka as-salat tahawunan. Celui qui délaisse la salat par paresse en reconnaissant l'obligation. Huna, il y a un très grand khilaf, il y a une grande divergence parmi les savants de la sunna. Hakada tahrim al-zina, tu ne trouveras pas de khilaf. Tous les savants ils disent que le zina c'est haram. Qala wa dhanni ma la yu'lam illa bit-tatabbu' wa l'istiqra. Et c'est ça la différence avec le qat'i. At-tatabbu' wa l'istiqra, c'est en faisant des recherches. En analysant les textes du Coran et de la Sunna, ou plutôt en analysant aqwal ahl al-ilm, on est fait l'ijma, ma la yu'lam illa bit tatabbu' wal istiqra, à vérifier aqwal les imams de tel madhhab, de tel madhhab, de tel madhhab, les savants anciens, les savants contemporains. Après hada, tu pourras savoir est-ce qu'il y a ijma' am la. Maintenant, le wahid, il vérifie, il fait des recherches. Il trouve que الشافعية ils ont خالف dans cette مسألة. Il n'y a pas إجماع. لماذا؟ لأن après التتبع, التتبع c'est le fait de suivre, والاستقراء. ففي هذا الحال, il a remarqué qu'il y avait un خلاف. قال وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته. وبعض العلماء قالوا أن هذا, dans ce cas, c'est pas possible qu'il y ait إجماع. لماذا؟ لأن عندهم ils disent أن الأقوال كثيرة خاصة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى après l'époque de الصحابة رضي الله عنهم. Ils disent que c'est pas possible. لماذا؟ لأن الإسلام s'est répandu جدا. Les savants ils sont partout dans chaque contrée. Ils ont beaucoup de livres, beaucoup de أقوال. Comment savoir qu'il y a unanimité? Est-ce qu'on a vérifié chaque savant qu'est-ce qu'il disait? بعض العلماء, et c'est une رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه, ils ont montré que ce n'était pas possible. Et بعض العلماء, ils ont montré que c'était possible. فلهذا قال الشيخ ابن عثيمين وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال في العقيدة الواسطية والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. هذا سأقول طيب. Une précision huna, un cheikh al-Islam al-Taymiyyah, rahimahullah, dans d'autres masadir, dans d'autres sources, comme Majmou' al-Fatawa, il a précisé un al-Murad, c'est al-Sahaba. L'an al-Salaf al-Salih, c'est plus vaste. Al-Salaf al-Salih, c'est la génération des Sahaba, radiyallahu anhum, ceux qui sont venus après, al-Tabi'oun, et ceux qui sont venus après, al-Taba'u al-Tabi'i. Donc, c'est les trois générations que le prophète, alayhi salatu salam, il a zakki. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هؤلاء السلف الصالح. On a dit dans d'autres sources Cheikhul Islam il a précisé الصحابة. Et الصحابة c'est la première génération, ceux qui ont vécu avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. قال إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. نعم على كل حال. Ça, c'est un sujet assez long. Est-ce que l'ijma, il est thabit? On peut dire, affirmer qu'il y a ijma après l'époque de Sahaba, amla, radiyallahu anhum. On peut résumer en quelques points. Awalan, la shak anna al-ijma al-munzabit, et al-ijma qu'on pourra, plutôt que les savants, ils pourront très rapidement citer, c'est ijma al-sahaba, radiyallahu anhum. لماذا؟ لأنهم ils étaient connus, leur ilm il a été propagé, ils étaient dans des endroits définis et leurs aqwal ils ont été répertoriés. Enfin, l'ulama, en étudiant les paroles des sahaba et leurs avis radiyallahu anhum, très vite ils ont pu dire tel masala ya jumaa, tel masala ya khilaf. Et dans certains cas, l'ulama ikhtalafou, ils vont dire que sahaba radiyallahu anhum ils sont d'accord et d'autres ils vont khalif, ils vont dire là tel sahabi il a un autre avis, un autre savant il va dire là tel sahabi il a un autre avis. Lakin ijma' al-sahaba c'est possible bien sûr de le citer. Amma ba'd as-sahaba radiyallahu anhum, fa plus la période elle s'éloigne et de l'époque des sahaba radiyallahu anhum plus c'est compliqué. Et ala kulli hal, si l'ijma' il est sahih, il est thabit, on l'accepte, on n'amal bih. Si l'ijma' il est sahih, et a'immatu ad-din, ou al-muhaqqiqoun min ahl al-ilm, il le cite et il est accepté, alhamdulillah, on l'accepte. Si hadha l'ijma' il est cité par un savant, et d'autres savants ils montrent qu'il y a khilaf, fala shak anna, on ne l'accepte pas. Wa'alam أن الإجماع سيلي صحيح إلي فقسما فوندي سوغان دليل Avec des recherches, tu trouveras un dalil bi-idhnillahi azza wa jalla. Et si tu as trouvé un dalil, alhamdulillah, tu appliques un dalil. Wa illa, si tu ne trouves pas de dalil, et al-ijma' il est sahih, et aucun savant a montré que ce ijma' il n'était pas authentique, et que dalil, il n'y a aucun dalil qui le contredit, falhamdulillah, ça reste un ijma'. Lakin nastafid min hadha anna al-ijma' al-munzabit, qui était facilement tu pouvais le répertorier très facilement, le trouver très facilement, c'est Ijma' al-Sahaba radiyallahu anhum. Falihada qala Cheikhul Islam, idh ba'dahum kathura al-ikhtilaf wa intasharat al-umma. Deux choses. Anna al-khilaf kathura. Pourquoi? Il y en a plus. Il y a de personnes, plus le khilaf, il peut apparaître. Et kadhalik, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'était plus là. Donc, al-ulama akhtalafu, khasatan, quand le Sahaba radiyallahu anhum, ils n'étaient plus là, il y en a. Tel texte, tu peux le comprendre de telle façon. L'ulama khtalafu. Tu trouves l'imam Malik, rahimahullah, il a compris telle mas'ala, tel hadith de cette manière, et tu trouves l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, il l'a compris d'une autre manière. Khilaf. Le dalil, c'est le même. Donc, plus on s'éloigne, plus le khilaf, il augmente. À notre époque, mathalan, tu trouves des savants, ikhtalafu, sur la compréhension de certains imams. Mathalan, l'imam Malik, il a un qawl. Tu trouves les savants, ils disent l'imam Malik il a voulu dire telle chose. Un autre il dit là, l'imam Malik il a voulu dire telle chose. Vous avez remarqué, et vous avez compris, plus tu t'éloignes, plus le khilaf il augmente. C'est tout à fait normal. Qala rahimahullah, wa'alam, anna l'ummata la yumkin an tajma' la khilafi dalilin sahih, sarih, ghayri mansukh, fa innaha la tajma' illa ala l'haq. هذا تقدم معنا لا تجتمع أمتي على ضلالة. Donc la umma elle peut pas se rassembler sur une erreur, sur un égarement. Et si elle se rassemble, c'est que c'est la vérité. قال وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر فإما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو منسوخا أو في المسألة خلاف لم تعلمه. Et Hadi, c'est une faïda jamila. Donc, si tu as, et d'araïta ijma'an, si tu as un ijma' et tu penses que ce ijma', tu lis dans un livre ou tu entends d'un savant qu'il y a unanimité sur telle chose, et pour toi, tu connais un dalil qui contredit Hadi l'ijma'. Et Hadi, en fait, à notre niveau, directement, tu dois te remettre en cause toi. Limada, les anna, est-ce qu'on a compris ce dalil? Est-ce que ce dalil est de sahih? Est-ce que ce ijma' que tu as entendu, est-ce qu'il est sahih? Mouhim, tu dois te remettre en question. Et hada fil ilm, c'est nafi', surtout à notre niveau pour les débutants. Toujours se remettre en question. Ne pas directement penser que tel savant il se trompe ou que tel dalil il est daif. Remets-toi en question et reviens à ahlul ilm. Donc, idha ra'aita ijma'an tadhunnuhu mukhalifan li dhalik, fanzur, imma an yakun ad-dalil ghayr sahih. Imma le dalil que tu penses qui contredit cette unanimité, peut-être que ce dalil que tu connais, il est faible. Et l'ijma' il est authentique, l'unanimité elle est authentique. Donc ton dalil dhaif, ce hadith, il n'est pas pris en compte. Qala, ou mansukh. Imma c'est min bab an-nasikh wal mansukh. Taqaddam ma'ana ma yata'allaq bil mut'a. Tu as un dalil qui montre qu'au début c'était pratiqué al-mut'a. Et Robama, tu vas entendre des calames de savants sur l'interdiction de l'mut'a, tu ne vas pas comprendre. L'imam al-Ali al-Hadith sur la permission de l'mut'a, le mariage temporaire, il a été nusikha, mansour. Donc, alhamdulillah. Qala, ou fil mas'ala khilaf. Ou peut-être que هذا الإجماع, il n'est pas sahih. هذا الإجماع, si tu viens rechercher, revenir à d'autres savants, ils vont te montrer que l'إجماع, il n'est pas sahih. Al-Haqiqa, il y a un khilaf. Ils vont te citer tel savant, il a un autre avis. Donc, il n'y a pas ijma. Ça nous montre l'importance de l'ilm. Et ça nous montre l'importance de revenir à ahlul ilm. Et kadalik, ça nous montre l'importance de ne pas se précipiter. Ba'dhum, il se précipite. Il y a un dalil, ou un ijma, ou un verset du Coran, et il pense que ça veut dire telle chose, il se précipite. Et si quelqu'un le contredit, il se précipite. Tout son cheminement, il est fondé sur la précipitation. Ne te précipite jamais, fil ilm. Écoute. C'est à notre niveau. On a un niveau, on doit écouter, rechercher. Tu as un niveau, tu dois accepter. Tu dois plus accepter que donner. Rien, on se précipite, on veut donner plus qu'on prend. Avant de donner, tu dois prendre. Tu dois prendre du ilm, tu dois apprendre. Thumma tu donnes. Et à notre niveau, on le répète, tu dois beaucoup plus prendre que donner. On n'a pas encore un niveau pour donner assez. Nos efforts fil ilm, ça doit être beaucoup plus. Thumma arrive à un niveau où l'ulama, il donne beaucoup. Et continue à prendre. L'ilm, ça ne s'arrête jamais, même pour le savant. Lakin, alhamdoulilah, ils donnent beaucoup. Et bien, d'aller, ils ont emmagasiné beaucoup. Les provisions, elles sont qalila, très très faibles dans l'ilm, dans l'apprentissage, dans l'étude, dans les efforts. Et tu trouves, Hadal Insan, il parle beaucoup. Telle chose c'est sunnah, telle chose c'est bid'a, il faut faire telle chose, il ne faut pas faire telle chose. Beaucoup de intiqadat sur les autres. Pourquoi tu fais telle chose? Et, falhaqiqa, le fait de se mettre beaucoup en avant de cette façon, l'insan, il s'expose aux erreurs. L'imad, il n'a pas, le niveau, les moyens. Ahyanan, vous avez remarqué que Ba'd al-Masa'il, tu penses qu'il y a ijma', tu penses que c'est clair. Souvent, avec les recherches, tu t'aperçois que tel savant, il a khalif. Et au début, au départ, c'est normal, ça te paraît bizarre. Il y en a pour toi, c'était tellement clair. Souvent, avec les recherches, tu trouves un deuxième avis. Maintenant, tu trouves l'imam d'un qayyim. Il a un autre avis. Thumma tu recherches, tu trouves l'imam Shawkani. Thumma tu recherches, tu trouves l'imam Al-Albani, rahmatullah alayhi. Thumma tu vas plus loin, tu retrouves en fait tel sahabi, radiyallahu anhu majma'in, ils ont un autre avis. Thumma tu te rends compte que la faiblesse, elle vient de toi. L'imam Al-Yana, celui qui n'a pas beaucoup d'ilm, au départ, il s'accroche à des choses, il croit que c'est tellement clair que tout le monde a cet avis. Lakin, avec l'ilm, tu trouves des aqwal que tu pensais pour toi, c'était totalement faux. Et tu trouves que c'est des aqwal de savants. Et ahyanan, avec des recherches, tu t'aperçois que c'est la vérité. Limada li anna l'haq, c'est pas lié à telle mas'ala, elle est connue ou tout le monde fait. C'est pas lié à ça l'haq. L'haq, c'est lié à la preuve. Si la preuve, elle est thabita, même si tu ignorais son qawl, même si pour toi, c'était vraiment un avis faible, s'il y a le délil, c'est l'avis qui est le plus juste. Lakin, pour ne pas tomber dans ce genre d'erreur, il ne faut pas se précipiter. Limada, si tu entends un khilaf, ne sois pas étonné. Même si tu es étonné, ne laisse pas cet étonnement te pousser à rejeter là. Daiman insan, il garde son calme et fait des études. Fait des recherches. Demande à Ahlul Ilm. Hatta tu ne rejettes pas une chose. Rubbama, il y a un délit. Tu ne rejettes pas une chose. Rubbama, beaucoup de compagnons du prophète, radiyallahu anhum, ou alayhi salatu salam, ils ont cet avis là. Ça ne veut pas dire que tu acceptes tous les aqwal là. L'achèque, à la fin, tu devras accepter un avis et délaisser un autre. Lakin, il faut que ça soit fondé sur l'ilm. Et celui qui n'a pas le niveau, al-muqallid, mathalan, il n'a pas le niveau de faire ses recherches, il demande à Ahlul Ilm. Et si Wahad, il lui montre ce khilaf et il ne sait plus comment faire, demande à un savant, demande-lui un dalil, et alhamdulillah, fi hadha al-hal, tu as fait ce que tu devais faire. Fas'alu ahla al-dhikr, in kuntum la ta'lamun, et on détaillera hadha, incha'Allah ta'ala, ensemble, fi bab al-taqlid. أما قول الإمام أحمد رحمه الله on peut le citer il est في الشرح أظن من ادعى الإجماع فقد كذب أو كما قال رحمه الله si quelqu'un le trouve il nous donne la page 528 تمام بارك الله فيك. Ils ont posé la question à Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, fi sharh Nadm al-Waraqat, ou plutôt c'est lui qui a posé la question pour y répondre. Qala hal al-ijma' mumkin wa mundabit? Qala al-jawab qila bidhalik wa qila bi'adami. Qila inna al-ijma' mumkin wa mundabit wa qila la. Wa qad nuqila 'an al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala annahu qala man idda'a al-ijma' fa huwa kadhibun. Wa ma yudrih la'allahum ikhtalafu. هذا سي اون روايه عن الامام احمد صحيح قال رحمه الله وما يدري اي كي سي كي لانفورمي انه يا با تريلر اسكو اي لي بارتي فوار تو لو موند هذا لا شك ان ابخ الصحابه رضي الله عنهم اي ابخ ليبوك دي السلف بلو تو تي لوان بلو سي كومبليكي مثلا ان اوتر ايبوك اون مساله اي بريتوند كي اجماع سي با سهل اون بارل دي سافون كونتمبورين لان يا بوكو دو سافون يا بوكو دافي اما les époques, l'époque de Sahaba radiyallahu anhum, Enfin, leurs aqwal, ils ont été, wallahi alhamd, répertoriés dans des livres, ils ont été enseignés, étudiés. Wallahi alhamd, enfin, c'est beaucoup plus simple. قال وصدق رحمه الله كان الناس في مشارق الأرض ومغاربها وكانت المواصلات في ذلك الوقت صعبة. C'était très dur à l'époque de se déplacer. Donc tu trouvais les gens, ils étaient souvent dans le même endroit. Donc les aqwal, elles étaient, les avis étaient restreints à beaucoup de contrées. Ça se propageait pas comme maintenant. Maintenant, à notre époque, une kalima, tu l'as dit maintenant, dans quelques minutes, elle est à l'autre bout du monde avec tous ces moyens. Là, chacun avis à des amens, c'est beaucoup plus difficile de rassembler les paroles de savants et connaître tous les avis. قال والعلماء منتشرون في أقطار الدنيا إذن فدعوى الإجماع بعد انتشار الأمة غير صحيحة وقيل الإجماع في صدر الأمة ممكن لأن حين انتشرت الأمة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال رحمه الله أي شيخ الإسلام والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الأمة يعني القرون المفضلة إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة وهذا القول هو الصحيح دونك l'imam Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, il a choisi l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Et comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi, l'avis de l'imam Ahmed il est qawi, c'est très difficile après as-sahaba, l'époque de sahaba radiyallahu anhum, d'arriver à savoir est-ce qu'il y a unanimité amla. Et l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il nous montre s'il y a vraiment ijma', et les savants ils citent l'ijma' et personne khalif, فالحمد لله on accepte. هذا خلاصة القول. La parole de Cheikh l'Islam, le Taymiyya, رحمه الله, elle est في الواسطية, celle qu'on a lu في الأصول من الأصول, et كذلك il a beaucoup de paroles في مجموع الفتاوى عليه رحمة الله. Et في شرح الورقات, il a cité le verset. Quand on avait dit ensemble, il y a un verset qui montre que Al-Ijma' c'est une hujja, un verset clair. Et في شرح الورقات il l'a cité. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِي غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Aïe, surat al-Nisa, verset 115. Enfin, ce verset, on l'ajoute à Al-Usul, min ilm al-Usul, لأنه il est clair في حُجِّيَةِ Al-Ijma'. Et كذلك في الشرح, في هذا الشرح, شرح نظم الورقات, il a ضعف الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة قال لكن هذا الحديث ليس بصحيح لكن il a cité بعض العلماء يحسنونه لا شك أن المعنى il est accepté عند العلماء. هذا الشرح il est جميل جدا, شرح نظم الورقات للشيخ العثيمين, فسان شرح طيب. الورقات لإمام الحرمين الجويني رحمه الله. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, plutôt Al-Imriti, un autre savant, il a mis Al-Waraqat sous forme de poésie. Il a écrit Al-Waraqat sous forme de poésie. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, il a expliqué cette poésie. C'est une poésie fil usul. Qala rahimahullah, shurutul ijma' lil ijma' shurutun minha. Avant de continuer, on a oublié de faire un tambih. Tu trouveras بعض العلماء يقولون لا نعلم في هذه المسألة خلاف. Et ça c'est من الورع. Et ça c'est طيب. لأن أحيانا prétendre qu'il y a إجماع, c'est pas سهل. C'est pour ça que tu trouves des علماء يقولون لا نعلم خلافا في هذه المسألة. أي on connaît pas de khilaf dans cette مسألة. Ça veut pas dire qu'il y a pas de khilaf. تنبه. أما le fait de citer الإجماع ou الإتفاق, c'est qu'il y a unanimité. C'est que personne n'a khalif. Le fait de dire je ne connais pas de khilaf في هذه المسألة, ça veut dire que أنت tu connais pas. Ça veut pas dire qu'un autre il ne connaît pas. لهذا quand l'insan il a un doute, il emploie هذا. أما نحن لا. نحن on revient à أهل العلم. Le fait de dire ya khilaf, ya ijma', t'as la vie. On conseille d'aïman les frères de revenir à Ahlul Ilm. Ne te prononce pas si t'as pas kalam d'un savant. Mais non, on n'a pas le niveau. On n'a pas le niveau de dire mon avis. Oh, je ne connais pas de khilaf dans cette masala. Mimbab, oh là, il y a unanimité. Là, faut qu'on l'enlève de notre cœur. Ça, c'est très très important. Daiman, comme rouya an l'imam Ahmed rahimahullah, idha istata'at an la taqul illa bi qawl imam aw kama qala rahimahullah faf'al thumma qala walaw. Et hada c'est min bab al mubalagha, pour montrer l'importance. Walaw, le fait de se gratter la tête. Voilà, le fait de se gratter la tête. Si tu trouves le qawl d'un imam, ne t'avance pas. Ça, c'est pour montrer l'importance. On doit s'habituer à ça. Même une masala claire. Essaye de prendre l'habitude. Naam, c'est permis. Li anna qala Allah azza wa jalla, un verset ou un hadith du prophète sallam, et tel imam, il a dit. L'imam, là, si on ouvre la porte à ne pas revenir aux savants, ça ouvre des portes d'égarement. Ahyanan, tu vas penser que c'est clair. Fil haqiqa, c'est pas clair. Donc, à cause de cette pensée et que tu penses que c'est clair, tu vas t'avancer, fil haqiqa, tu emmènes des avis que personne n'a cités. Et hada, c'est min al-dalal al-mubin. Notre dîn, il est complet. On s'habitue à hada. Naql al-ijma', on s'habitue à avoir un savant. Dès qu'on cite le khilaf des savants, quand on prend le qawl rajih, un savant. Quand on rapporte une parole, un savant. Même quand on demande une question claire, est-ce que c'est permis telle chose? Tu sais très bien que c'est permis. Fais des efforts pour emmener la parole d'un savant. Naam, c'est permis, akhi, et tafaddal une fatwa. قال شيخ بن باز قال شيخ الاسلام قال شيخ الالباني عليه رحمه الله واخر مهم ان savant de la sunna. Habituez-vous à hada حتى on ferme certaines portes qui ont été ouvertes à notre époque. قال رحمه الله شروط الاجماع. للاجماع شروط منها. Donc la dernière masala, le dernier point, les conditions de l'ijma. Et pour que l'ijma', l'unanimité, elle soit acceptée, il faut des conditions. قال اولا ان يثبت بطريق صحيح بان يكون اما مشهورا بين العلماء او ناقله ثقة واسع الاطلاع. Donc il faut que هذا الاجماع soit صحيح. Comment savoir est-ce qu'il est sahih? Première façon, an yakun mashhuran 'inda al-ulama. Et les savants, ils le rapportent, c'est connu 'inda al-ulama. Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Al-Imam Ibn Abd al-Barr, Ibn al-Mundhir, Al-Imam al-Bukhari, Al-Imam Ahmad, ha'oula. Il est ma'rouf 'indahum, falhamdulillah. Qala aw naqalahu thiqatan wasi'u al-ittila'. Ta'ammal les caractéristiques qu'il a citées Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah fi hadha an-naqil. An-naqil, c'est celui qui rapporte. Il faut qu'il soit thiqa, bien sûr, une personne de confiance. Il y en a, si c'est pas une personne de confiance, il peut mentir, il peut se précipiter. Il a akhir. Wasi'u al-ittila'. Donc que ça soit une personne de confiance, ça suffit pas. Kadhalik, il faut qu'il soit wasi'u al-ittila'. Ça veut dire quoi wasi'u al-ittila'? Wasi', ça veut dire vaste. Al-ittila', ça veut dire ça vient des recherches. Et qu'il est connu pour faire beaucoup de recherches. Un imam, mais un immat al-din, un thiqa bien sûr, wasi'u al-ittila'. Comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, mathalan. Wasi'u al-ittila'. Ça veut dire quoi wasi'u al-ittila'? Ça veut dire qu'il connaît le khilaf. Et celui qui a lu des passages de Majmou' al-Fatawa, ya'lam dhalik. Anna Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullah, il connaissait hada par cœur. Une question lui était posée, rahmatullah alayhi, et il répondait avec aqwal al-madhahib. Al-Malikiya, ils ont dit telle chose. Al-Shafi'iya, ils ont dit telle chose. Ibn Hazm, il a dit telle chose. Thumma fi aqwal al-sahaba hadith wa la haraj. Ibn Umar, radiyallahu anhu, il a dit. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, wa hakada. Wasi'u al-ittila', il était, rahimahullah. Cette caractéristique, elle permet de beaucoup moins se tromper fi l'ijma'. Amma wahid ki a pas un ittila' wasi'. Il connaît maintenant que tel madhhab. Peut-être qu'il va te dire, il y a ijma' limana li annahu, il a étudié que les paroles de tel madhhab. Si tu le fais sortir de son madhhab, il y a un khilaf énorme. Donc, hada, c'est important. On revient aux imams et, bien sûr, à immat al-sunna al-thiqat et ceux qui ont un ittila' wasi'. On a cité Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et beaucoup d'autres, bien sûr. Qala, thaniyan, an la يسبقه خلاف مستقر قبل ذلك هناك اجماعات qui ont été rapportées et في الحقيقه il y a pas اجماع مثلا بعض إجماعات الإمام ابن المنذر رحمه الله. سان إمام كبير في السنة وفي الفقه. Il a un célèbre livre, Al-Awsat, qui a été imprimé en une dizaine de volumes. Et c'est un livre de fiqh et il rapporte Al-Khilaf. Kadhalik, il a une petite risala, Al-Ijma' l'Ibn al-Mundhir. Il a rapporté des Ijma'at. Mathalan, Ajma'u ala kada. Tous les savants, ils sont unanimes. Fi kada. Et ahyanan, Al-Ulama, yukhalifuna. Awalan, parce que c'est un être humain et tous les êtres humains, ils se trompent. Et kadhalik, d'autres raisons. Fa'ala kulli hal, al-insan yantabih. Yantabih. C'est pas le premier jumeur qui trouve et il se précipite. Ahyanan, avec une simple recherche, tu vas trouver très rapidement des savants qui disent hadal ijma' il est pas sahih. Et ils vont montrer. Kadhalik, ba'd ijma'at al-imam ibn Abdel Barr, rahimahullah. Les ulama, ils en ont rejeté certaines. Et d'autres. Ba'd ijma'at al-imam al-Nawawi et d'autres savants. Et si l'ijma' il est cité et l'ulama, comme on l'a dit, l'a accepté, et bien sûr c'est un grand imam comme Ibn al-Mundhir, Ibn Abdel Barr, Cheikh l'Islam, l'imam al-Nawawi et autres, et l'ulama ils l'ont accepté, personne parmi les savants n'a rejeté l'ijma', falhamdulillah, on l'accepte. Thaniyan, an la yusbiquhu khilaf mustaqir, fa in sabaqahu dhalik fala ijma', li'anna al-aqwal la tabtul bimawti qa'iliha. Et hada c'est important. احيانا tu trouves انه il y avait un khilaf à l'époque ثم après il y a un ijma après il y a un ijma est-ce que هذا الاجماع il est pris en compte ام لا اما si c'est ahlul batil ça arrive هذا si c'est ahlul batil ou l'inhiraf et ils sont d'accord sur une chose et ils disent à notre époque خلاص ils sont il y a unanimité قول اهل الباطل on l'accepte pas اصلا. S'ils sont d'accord avec Ahl al-Haq, on a pris le qawl parce qu'il y a un délit et parce que Ahl al-Haq ils l'ont cité. هذا اولا. Si c'est des imams de la sunna ajma'u, فهذا il y a un khilaf. هذا il y a un khilaf بين اهل العلم. والذي يظهر c'est qu'il est accepté. بعض العلماء ils ont cité comme exemple à l'époque il y avait un khilaf sur est-ce que Uthman ibn Affan radiyallahu anhu افضل من علي رضي الله عنه ام لا على الوقت كان خلاف بعض الائمه ils avaient fait passer Ali avant بعض العلماء توقفوا بعض العلماء ils disaient déjà que Uthman رضي الله عنه il était افضل ثم شيخ الاسلام رحمه الله سياتي معنا ان شاء الله في العقيده الواسطيه il a démontré ان بعد ذلك اجمعت الامه. Il y a eu un khilaf à un moment donné, à l'époque de Soufiane al-Thawri, rahimahullah, et d'autres, Mouhim à cette époque, il y a eu un khilaf, thumma après, staqarr al-ijma', thumma après, les imams de la sunna, ils étaient tous d'accord que Uthman, radiyallahu anhu, il était afdal. Et c'est ça le haq. C'est ça le haq, anna Uthman, il était afdal que Ali, radiyallahu ta'ala anhum, ajma'i. Donc, هذا في الحقيقة ça demande plus de recherche. قال فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف. هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. نعم. فهذه المسألة faudrait détailler أكثر. وإلا فقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى الطيب. Même si ça arrive dans certains cas, l'exemple qu'on vient de citer avec تفضيل عثمان على علي رضي الله عنهم الأصل هذا أنه سيافا خلاف أفن ثم يا إجماع الخلاف سيا خلاف سكي يا في خلاف دونك بريتندر إجماع سي با سامبل وقيل لا يشترط ذلك فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة دونك يا خلاف سيت مسألة هذا سي نادر tu trouveras quelques exemples ربما qui se compte sur les doigts de la main. ويكون حجة على من بعده. الراجح donc pour Cheikh ibn Uthaymeen c'est que c'est pas un ijma'. S'il y avait khilaf avant, même si les savants après ils sont rassemblés sur un avis, عند Cheikh ibn Uthaymeen c'est pas un ijma'. لماذا لأنه il y avait khilaf. Et même si ces savants ils sont morts, enfin leurs avis il est toujours pris en compte. قال ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم. Ça c'est une deuxième مسألة. Est-ce que pour dire إجماع, il faut que les savants, faut que les savants qui ont cité ces avis, ils soient morts. لماذا؟ لأنهم s'ils sont vivants, ils peuvent changer d'avis. Donc tant qu'ils sont vivants, on parle pas de إجماع. هذا c'est pas صحيح. كما قال شيخ العثيمين قال فينعقد الإجماع من أهلي من أهله بمجرد اتفاقهم ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد. نعم لأن si se sont rassemblés sur un avis c'est que c'était le haqq. لا تجتمع أمتي على ضلالة. Même si on قدر أن واحد يدلس لافي لا خالف الإجماع. الإجماع il est toujours ثابت. Donc الصحيح c'est que c'est pas une condition que pour que l'إجماع soit valide que les savants ils soient morts. لا. قال لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر. صحيح أن les preuves du Coran et de la Sunna cette précision n'est pas citée. Est-ce qu'il faut qu'il soit mort ام لا؟ Donc on reste sur la base. قال ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه؟ Si se sont tous rassemblés sur un avis c'est que c'était le haqq. Pourquoi changer d'avis ? Ou c'est quoi la preuve qui montre qu'il y a un autre avis ? Là, si on qadr que wahid il a délaissé cet avis, son avis n'est pas pris en compte et on reste sur l'unanimité des imams. قال وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار فقيل يكون إجماعا وقيل يكون حجة لا إجماعا وقيل ليس بإجماع ولا حجة. Ça c'est une autre مسألة. Ce qu'ils appellent l'ijma al-sukuti. Mathalan, il y a une mas'ala quelconque. Est-ce que telle chose c'est permis? Des savants, ils disent que c'est permis, et des autres savants, ils se taisent. Est-ce qu'on dit qu'il y a ijma? Bien sûr, avec had al-qaid, ma'a qudratihim ala l'inkar. Les savants, ils pouvaient montrer que c'était, que le kalam, il n'était pas haqq, lakin ils se sont tués. Wa'ad al-ulama, ils ont dit had ijma. وبعض العلماء يقولون هذا سبا إجماع. أما القول يكون حجة لا إجماع هذا فيه شيء من التناقض. C'est une حجة, c'est une preuve, لكن سبا un إجماع. هذا القول تركوه pour l'instant. Pour l'instant, on a deux قول. Est-ce que c'est إجماع أم لا؟ أما في زمن الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم. أولاً, ils n'étaient pas aussi nombreux que ceux qui sont venus après, bien sûr. Et ثانياً, الصحابة رضي الله عنهم ورعهم إيمانهم القوي et تقواهم لله عز وجل ça les empêchait de se taire عن الباطل. Donc si se sont tués et le قول il était مشهور معروف كما تقدم معنا et il s'est répondu فالحمد لله في هذا الحال on l'accepte. أما غير الصحابة رضي الله عنهم ففيه نظر. أولاً, pour trouver pourquoi un tel s'est tué. ربما il avait décidé de parler dans quelques instants ou dans peu de temps et il est mort ou autre chose. فهذا فيه نظر. هذا فيه نظر. أي de compter هذا parmi الإجماع. لعل الشيخ ابن عثيمين قال في هذا. On finit sa parole. أولاً قال وقيل ليس بإجماع ولا حجة وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع لأن استمرار سكوتهم إلى الإنقراض. الإنقراض c'est le fait de disparaître أي la mort مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم وهذا أقرب الأقوال. نعم هذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين. Vous avez remarqué قال أقرب هذا c'est l'avis le plus proche. أي أنهم s'ils avaient la capacité de montrer et ils se sont tués فعنده c'est un إجماع إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع لأن استمرار سكوتهم إلى الإنقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم. أي le fait qu'ils se soient tués. Vous avez remarqué on a il a cité jusqu'à la mort. Ça fait sortir le fait ربما il se tait aujourd'hui peut-être qu'il va parler demain. Peut-être qu'il a décidé d'écrire un livre pour montrer que c'était faux. Donc, ils ont mis cette condition jusqu'à la mort. Lakin, hadda ma'a hada. Rubbama jusqu'à la mort, il avait décidé de repousser, repousser, et ja'ahu al-maut, et fil haqiqa, il n'était pas d'accord. Hada fihi nadar. Cheikh Ibn Uthaymeen, il a choisi cet avis avec des recherches, fil haqiqa, al-qawl, al-aqrab, c'est que c'est pas un ijma' à prendre en compte. Ba'dul ulama, ils ont rejeté d'autres ijma'. On ne parle pas de soukout. Là, si Wahid prétend qu'il y a ijma', ils ont rejeté. Et après l'époque de Sahaba, radiyallahu anhu. Comment taqaddam la parole de l'imam Ahmed. Il y en a pour eux, comment il a su que tout le monde est d'accord? Que dire de si certains savants, ils n'ont pas parlé? Enfin, comment attribuer hadal qawl à eux? Peut-être qu'ils avaient une excuse, peut-être que. Allahu a'lam. Allahu a'lam, pourquoi ils n'ont pas montré qu'ils n'étaient pas d'accord? Fahada, c'est aqrab wallahu a'lam. Dans le Sharh Cheikh Ibn Uthaymeen, page 535, قال أما الإجماع السكوتي فلا يدخل في الإجماع الظني لأنه ضعيف جدا ولم يعتد به كثير من العلماء. Dans le Sharh Cheikh Ibn Uthaymeen, il a fait cette précision. الإجماع السكوتي فلا يدخل في الإجماع الظني لأنه ضعيف جدا. Même ceux qui l'ont accepté en tant qu'إجماع, c'est un إجماع ضعيف. لماذا لأن في الحقيقة c'est fondé sur des doutes. C'est fondé sur des suppositions. Il s'est tu. Allahu alam, pourquoi il s'est tu? Allahu alam, il était d'accord. Peut-être qu'il avait un doute. Peut-être qu'il n'était pas d'accord. Il voulait montrer plus tard. Fallahu alam. Wa lam ya'tad bihi kathirun min al-ulama. Beaucoup de savants, ils n'ont pas accepté al-ijma' al-sukuti. Amma, à l'époque des compagnons, radiyallahu anhum, fa kathirun min al-ulama, ils l'ont accepté. Vous avez remarqué que fil ijma', il y a une différence entre zaman al-sahaba, radiyallahu anhum, et zaman ghayrihim. Ala kulli hal, on peut résumer hadha al-bab anna si l'ijma' il est thabit, il est mashhour, il est ma'rouf, et a'immatuddin ils l'ont accepté, al-muhaqqiqoun min ahli al-ilm ils l'ont accepté, et il y a aucun dalil qui montre une contradiction dans cet ijma', et les savants ils l'ont pas rejeté, fa hadha wallahi alhamd, il a accepté. Tu trouveras d'autres ijma'. Les savants ils montrent clairement que c'est une erreur. Fi al-haqiqa, il n'y a pas ijma'. Bal ahyanan, tu as naqlu al-ijma' et tu trouves umma min al-ulama qui ont khalif. Beaucoup de savants qui ont khalif. Hada al-ijma' ne le prend pas en considération. Ce n'est pas une preuve. Et fais des recherches. Et il y a divergence. Fais des recherches pour trouver la vérité. Ahyanan, il y a un khilaf. Bah, dans l'ulama, ils disent l'ijma' il est accepté, d'autres il n'est pas accepté. Fait des recherches. Si des savants ils l'ont rejeté, c'est que rubbama il y a un khilaf. Wallahu ta'ala a'lam. Al-jumhur ala annahu laysa bihujjah. Al-jumhur al-ulama anna al-ijma' al-sukuti. La plupart des savants, comme قال Cheikh Ibn Uthaymeen dans le sharh, قال كثير من العلماء. Et c'est قول al-jumhur. C'est قول la plupart des savants, et c'est sahih. Anna al-ijma' al-sukuti. Et après le sahaba, radiyallahu anhum, c'est pas une hujja et c'est pas minbab al-ijma'. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, al-qat'i, on le prend en compte. C'est le premier. Aïe, hada, c'est wadih. Al-dhanni, avec les précisions que Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullahu ta'ala, il a faites. Wallahu ta'ala a'lam, wa naktafi bihada al-qadr, dahab al-waqt. Et inshallah la semaine prochaine on commencera l'étude du prochain bab al-qiyas, révisé bab al-ijma', et on n'a pas détaillé wa illa fa des livres ils ont été écrits fil ijma', il y a des divergences sur certains points probablement qu'on a cité sans détailler, lakin on répète à notre niveau nahnu on étudie c'est quoi l'ijma', est-ce que c'est une hujja am la, c'est quoi la preuve, thumma les conditions, et si c'est un ijma' sahih on l'accepte. Si c'est un jumeau qui n'est pas sahih, on ne l'accepte pas. C'est ça le khulas. Enfin, réviser hadha al-bab et inshallah avec le temps et d'autres livres, voilà, chaque année, vous détaillerez inshallah ta'ala ce chapitre akthar. Naktafi bihada et inshallah demain, on continue nos durous après. Et on fera une muhadara si on peut, et si on ne peut pas, on continuera nos durous. Wa billahi at-tawfiq.